pour tout le temps qu'on a passé ensemble et qu'on continue de passer ensemble. Merci beaucoup. Je suis contente que ce soir, toi, tu sois témoin de tout l'amour que le monde te porte à toi et à ta musique.